Vous écoutez CKRL au 89.1 et nous allons finir Futur Simple en tentant de répondre à la question « Sommes-nous tous des moutons ?» Autrement dit, est-ce que nous agissons de notre propre chef conformément à nos idées ou est-ce que nous subissons une pression de nos semblables et que nous agissons en nous conformant aux idées des autres ? Alors, la réponse avec Adèle Mazurek. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Je suis pas sûre de donner la réponse, mais c'est pour en ça tout que cas... je parle d'une tentative. C'est ça. Adèle, le conformisme, en fait, ça doit être un bon sujet d'étude pour les psychologues. Oui, donc comme en fait tu l'expliquais un petit peu, c'est la tendance à se conformer aux usages, à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre en fait. Et c'est vrai que ça peut être assez difficile quand même à étudier. De voir cette influence-là des groupes. Ouais. Et le premier psychologue qui a étudié ça grâce à des expériences, c'est Solomon H. Qui a démontré en fait cette sorte de pression du groupe. Alors c'était pas hier, c'était en 1951 qu'il a fait cette étude, mais elle est très connue dans le domaine de la psychologie. D'accord, bah comme elle n'est pas connue de moi, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, alors c'est très simple. L'idée c'est que le psychologue invite un groupe de 7 à 9 étudiants à participer à un soi-disant test de perception visuelle. Alors le test consiste à présenter une série de 2 images. Mm-hmm. Donc sur celle de gauche, il va y avoir une ligne de référence, donc une sorte de ligne de 5 cm par exemple. Puis sur l'image de droite, il va y avoir 3 autres lignes de longueurs différentes. Puis la tâche, elle consiste juste à dire à voix haute laquelle des 3 lignes sur l'image de droite va être de la même longueur que la ligne de référence. D'accord. Il n'y a aucun piège, c'est super simple, les lignes ont vraiment des longueurs très différentes et normalement on n'est pas censé se tromper. La réponse vraiment est vraiment évidente. Donc j'imagine que finalement ça se complique quelque part. Oui, ça se complique, mais le test par contre reste aussi simple que ce que je viens de te présenter. En revanche, c'est que parmi les 9 étudiants, il y en a 8 qui sont de mèche avec le psychologue et qui vont faire exprès, il y a 18 tests en fait, ils vont faire exprès sur les 18 tests de se tromper 12 fois. Donc il y a un seul étudiant qui n'est au courant de rien et qui va donner sa réponse toujours en avant-dernier. Ah oui. Alors, donc il a entendu les 12 autres se tromper 12 fois, se tromper. C'est ça, les 8 autres étudiants en fait se trompaient. Et au départ l'étudiant est surpris des réponses qui sont données par ses acolytes parce qu'ils disent que par exemple 2 segments sont de la même longueur alors qu'ils ont bien l'air vraiment différents, là 3 cm de longueur différente. Puis au fur et à mesure certains vont commencer à douter de leurs propres réponses. Et bien qu'ils soient perturbés, la plupart des participants qu'on va appeler naïfs donnaient quand même la bonne réponse parce que c'était évident. Mais il y en avait quand même 36,8% qui finissaient par donner des réponses absurdes sous l'influence du groupe. Ah oui. Et ainsi, il y a certains participants qui ont quand même affirmé que 2 bâtons étaient de la même longueur alors qu'ils avaient plusieurs centimètres d'écart. Ah ouais, carrément. Donc, mais t'as dit 36, quelque chose comme ça, 36%, c'est un tiers, ça commence plus d'un tiers. Ouais. Un tiers des gens qui, bon, c'est flagrant, les deux disent, les deux bâtons n'ont pas la même longueur, mais ils vont quand même dire que c'est la même longueur. C'est ça. Et d'un point de vue extérieur, ça semble quand même un peu fou que ce soit possible de... Oui, se laisser influencer à ce point-là. C'est ce que je me disais aussi. Évidemment, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Le psychologue, c'est, on va dire, s'amuser à les faire varier. Alors, dans ce cas-là, dans cette expérience-ci, il a remarqué que plus le nombre de participants était dans la confidence, plus l'effet se faisait ressentir sur la personne naïve, jusqu'à un maximum de 7 personnes. Puis après quoi, l'effet en fait, de conformisme va diminuer. Ah oui, c'est surprenant. Ouais. Oui, j'aurais pensé que plus le groupe augmente, mais là, dans cette étude-là, en tout cas, on doit s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, c'est possible, oui. Puis aussi, ils ont essayé d'ajouter la présence d'un participant qui va soutenir au tout début le participant naïf, donc il va dire les mêmes réponses que lui. Donc ça va lui donner un peu de soutien, en fait, il va reprendre confiance en lui. Mais par contre, si on retire ce participant-là et qu'il rallie en fait la majorité, l'effet de conformité va réapparaître cette fois-ci. Alors justement, tu me dis ça a l'air impossible. Moi, il y a une expérience que j'aimerais bien essayer, qui est aussi une expérience qu'avait testée le psychologue. Ouais. Donc c'est assez simple, plus simple que celle que je viens de présenter. Donc en fait, tu vas monter dans un ascenseur avec 3 ou 4 complices. Là, tu prends 3 ou 4 amis. Il faut quand même que l'ascension soit assez longue. Puis vous allez tous tourner le dos à la porte de l'ascenseur, ce qui n'est pas vraiment naturel. En général, on regarde quand même devant nous. On se prépare à sortir. C'est ça. Puis vous attendez l'arrivée d'un cobaye, puis vous allez observer sa réaction. Ouais. Et bien qu'il va trouver la situation étrange, au bout d'un moment, il va commencer à se tourner petit à petit, puis il va finir par tourner le dos à la porte. Ah, oui. J'ai vu des vidéos, je sais pas si c'était truqué ou pas, mais en effet, la personne tourne au fur et à mesure. Puis voilà, donc du coup, il va être vraiment soumis à la pression du groupe. Il ne peut pas être tout seul face à la porte, ouais. En fait. Bon, on va essayer, on va se mettre de connivence avec François, puis on va essayer ça. Et j'imagine que ce conformisme s'exprime dans notre quotidien bien au-delà d'un simple ascenseur, en fait. S'il y a ce genre d'études, c'est parce qu'on remarque ce conformisme dans la vie, dans la vie tous les jours. Bah oui, évidemment. Alors, moi, je pense un peu à tout ce qui est mode vestimentaire, mais aussi opinion publique, politique, la culture. C'est vrai qu'on est, souvent soumis avec les informations aussi à la pression de groupe. Ouais. Donc, justement, j'ai lu un article sur le site Pour la Science qui parlait d'une expérience qui a été menée en France dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en 2012. Donc, cette expérience consistait à demander les intentions de vote pour le second tour à un échantillon de 1000 personnes. Mmh. Donc, en fait, après que les personnes aient donné leurs réponses, dès qu'on leur présentait les résultats d'un sondage qui était fictif et qui allait dans le sens contraire de leurs intentions initiales, ils changeaient d'opinion pour 25% des cas et ils alliaient l'avis majoritaire exprimé par le sondage. J'avais quand même un petit peu peur, je trouve. Mais justement, je pense qu'aux dernières élections, on se posait la question de l'influence des sondages à répétition sur le vote. Oui. Et est-ce que nous finissons par céder à l'appel du conformisme pour éviter le conflit et ne pas être rejeté par la majorité? Finalement, ça pourrait expliquer qu'on adopte des positions qui sont contre ce que nous-mêmes on pensait. Oui, ben d'après certains psychologues, en effet, ça serait vraiment pour éviter le conflit puis suivre le groupe, en fait, ne pas se démarquer. Et justement, encore dans l'article dont je parlais tout à l'heure, il mentionnait une étude réalisée par des psychologues de l'université de Princeton. Et ils se sont demandé ce qui se passe dans notre tête au moment où on se laisse entraîner par cet effet de groupe. Et ils ont remarqué que cela se joue dans le cerveau, donc dans l'insula, c'est un repli du cortex cérébral. Et ce qui est intéressant, c'est que cette zone, en temps normal, centralise les informations émotionnelles et elle s'active lorsque l'individu a peur d'être exclu d'un groupe. Ah. Et elle s'active également dans ce phénomène d'effet de groupe. Donc cette étude montrerait qu'en effet, ce conformisme résulterait d'une pression sociale du groupe sur l'individu. D'accord. Mais dis-moi, on arrive quand même à avoir nos propres opinions, en tout cas, j'espère. Oui, ben, je pense. On n'est pas complètement des moutons quand même. Oui, ben, déjà, le fait qu'on se pose la simple question, est-ce qu'on suit l'effet de groupe, c'est que déjà, on réalise la chose. Mais, et puis, il semblerait d'ailleurs qu'il y ait plusieurs facteurs qui puissent influencer cette pression d'un groupe sur un individu. Déjà, s'il s'agit d'un groupe très soudé, qui partage fortement les mêmes valeurs, ça risque d'avoir un plus grand effet sur un individu, il y a plus de persuasion. Puis aussi, si l'on est particulièrement attiré par un groupe, on aura plus de chances de se conformer à leurs normes. Ça me fait penser un peu à ce qui se passe dans les écoles, où on parle beaucoup de harcèlement milieu scolaire dans l'actualité. Ça aussi, c'est un effet de groupe. Il y a un ensemble de personnes, finalement, qui se liguent, qui se liguent pour se conformer, faire un harcèlement contre une personne. Oui, c'est ça. En effet, les cours de récréation sont un excellent exemple, malheureusement. Surtout au moment de l'adolescence, si une jeune fille ou un jeune garçon a envie d'intégrer un groupe, il va imiter le comportement des autres pour se faire accepter. Alors c'est comme ça qu'un adolescent qui semble irréprochable aux yeux de ses parents ou des gens qui le côtoient individuellement va pourtant harceler un autre élève à l'école. Et aussi, il peut se sentir moins responsable de ses gestes, comme il ne porte pas le poids tout seul. Ah. C'est vraiment le groupe qui porte le poids de la culpabilité, on va dire. Donc aussi, cette pression de groupe, elle va différer selon la culture de l'individu, sa personnalité, son besoin d'appartenir à un groupe aussi. Puis aussi, ce qui est un peu étrange, c'est qu'on peut se demander si ça n'est pas en contradiction avec la liberté qu'on recherche. Oui. La liberté individuelle, on veut penser par nous-mêmes, s'habiller comme on veut, etc. Mais finalement, on se conforme. Et on se demande s'il n'y a pas quelque chose de contradictoire. Ben justement, la prochaine fois, par exemple, ça va être bientôt l'été, si vous voulez adopter une nouvelle coupe tendance ou que vous voulez regarder le dernier film sorti au cinéma, ou la prochaine fois que vous irez voter, ben demandez-vous s'il s'agit bien de votre propre choix et pas celui des autres. J'aime bien cette conclusion. Merci beaucoup, Adèle. De rien. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1.